Ouais. On va peut-être en donner. Il y a de la crème chantilly aussi. Waouh, super cher. Oh la classe! Je veux bien des framboises. Ça fait des années que je n'ai pas pu m'en acheter. Ah, des mûres! Waouh! Ils sont où les couteaux? Elles sont énormes! C'est super bon! Ben, on va s'installer quand même parce qu'on est là en train de manger comme des sauvages debout. C'est vrai, faut faire ça bien quand même. Bah ouais, mais on est toujours pressé dans ce monde. On ne peut jamais se permettre de manger. Qu'est-ce qui va aller inviter des nouveaux copains avec moi? Bonjour. Il y a du super. Bienvenue, certains. Il y a du super. Ah oui. Viens, come on. Ah ben. Bon, moi je fais sans assiette. Hein. Quelqu'un a de la bidoche ? Ah, si, radio. Ah, je peux pas, monsieur. Désolé. Il y a un événement là. Oui. Mais voilà, vous pouvez pas. Vous passez ce que vous avez fait. Merci. Pourquoi on peut pas enregistrer ce qu'on dit ? Non. Vous pouvez passer une boulette ? Vous avez l'autorisation, monsieur ? Non, mais nous nous rendons compte que je travaille pour la radio. Oui, bah non. Vous pouvez le passer, monsieur. Sinon, c'est la police directement. Aussi. Merci. C'est un besoin naturel, mon. C'est pas mon problème. Oui. Et bah, vous payez en marchandises, oui. Pourquoi vous payez ? Pourquoi je paye ? Ça ne vous regarde pas ? Si, tout. Si, pourquoi vous payez ? Parce qu'on paye tous pour la même chose. C'est pas mon problème. Qui c'est pas mon problème, madame, ne parlez pas. Arrêtez de faire la patate, s'il vous plaît. Merci. Oui, et vous avez l'autorisation ? Vous avez l'autorisation pour les photos dans le magasin, monsieur ? Ah non, pas du tout. Vous n'avez pas de l'autorisation, vous avez passé vos photos. Merci. On a tous été marqués par les événements en Espagne. Enfin, moi personnellement, j'ai été marqué par les événements en Espagne, en Tunisie, parce que j'ai l'impression qu'il y a une réappropriation des peuples de leur propre vie. Et si on est dans un lieu qui ne nous appartient pas, il n'appartient même pas à ce vigile, il appartient à une super production qui n'est même pas localisée en Belgique. Donc on n'a aucun contrôle sur les prix, aucun contrôle sur la qualité. Bon, c'est une action symbolique, mais on essaye de suspendre un peu l'organisation normale d'un supermarché. Dans un supermarché, la nourriture ici n'appartient ni au supermarché ni à vous. Elle est payée en caisse et redistribuée à un actionnaire à l'extérieur. Et donc, voilà, c'est une action, on essaie de se dire, ben, peut-être qu'on peut reprendre en main les conditions de notre vie. Alors, on espère bien sûr pas se nourrir des supermarchés, parce que la nourriture d'un supermarché, elle est écologiquement condamnable, alimentairement, enfin, nos estomacs sont détruits de ce qu'on mange. Je vois que vous faites un peu attention, mais quand on est à une fin de mois difficile, on voit bien la différence des prix entre les marques blanches, Sainte-Poifers, qui sont à rien, et puis les pommes un peu convenables, qui sont des prix disproportionnés. La malbouffe, enfin c'est un peu tout ça. Et donc voilà, c'est un peu une action de désobéissance qui essaie de dire, ben, dans un monde où on semble ne pouvoir rien faire, peut-être que quelque chose est possible. Peut-être qu'à un petit moment comme celui-ci, on est dans un endroit hostile, on n'est pas légitime à faire ce qu'on fait, mais peut-être qu'en discutant, en essayant de se dire, ok, ces marchandises qui sont là, à qui elles appartiennent au fond ? Quelle est la part de notre travail qui est dedans ? Non. Parce que voilà, on est tous plus ou moins à un moment ou l'autre, même s'il n'y a pas beaucoup de travail, travailleurs, et la part de ce qu'on produit ne nous revient jamais. Mm-hmm. On n'a jamais de retour là-dessus. Donc c'est un peu ça. On essaye un peu de symboliser le fait qu'on a peut-être une puissance de réappropriation des choses. Que les places publiques nous appartiennent, il y a moyen de les reprendre, d'en discuter, de faire des agora. Que la production en Belgique nous appartient. Or, l'essentiel des productions, on voit bien Carrefour, est international. C'est-à-dire, le produit de ce qui est consommé ici ne reviendra jamais à personne dans ce pays. Il servira à accumuler de la valeur pour créer des richesses sur lesquelles nous, on a peu de prise. Donc voilà, on essaye d'être là, en essayant de se montrer à nous-mêmes qu'on est autre chose que consommateur. Qu'il y a une ligne rouge qui a été franchie, dans lesquels on sent que l'austérité est en train d'être là et va venir, on sent que le désastre écologique est très présent, et on a longtemps été passifs à regarder ça avec crainte. Mm-hmm. C'est-à-dire, ben, si on est ensemble, on ne fait pas, de vandalisme, on essaie d'avoir une action sensée, digne, on peut être en mesure de se réapproprier un peu des choses. Et puis voilà, si un jour vous voulez être Robin des Bois vous-même, le label appartient à personne, c'est marchandise et produit pour qu'on la consomme. Et c'est pour ça qu'on a un salaire qui nous permet d'avoir un petit excédent de consommation. Donc on est piégé dans cette machine infernale où on travaille pour consommer et puis on consomme pour travailler parce qu'on n'a pas accès à l'eau, on a accès à des biens communs. Or, la plupart des civilisations ont tenu sur le fait qu'il y avait des biens communs. qui n'était pas la propriété de quelqu'un. Mmh. L'eau, les prêts communaux en Angleterre. Oui, oui, merci beaucoup, bonne journée. Le garde est demandé pour le bureau, s'il vous plaît. Mesdames, messieurs, bonjour. Le cours normal de la construction.